indicateur de référence au temps passé. Hier. Hier soir. Avant-hier. Il y a 2 heures. Il y a 2 jours. Il y a 2 semaines. Il y a 2 ans. Autrefois. Le mois dernier. La semaine dernière. À ce moment-là.